France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Un film inachevé, puis terminé des années plus tard par son propre réalisateur, par son équipe aussi. L'héroïne de ce film, alors la fille d'un quincaillier de la rue des Martyrs, ou la rivière qui coule, ou la chaleur de l'été, ou tout simplement la partie de campagne, ou la matelote, ou la friture. L'émission L'écran sans images, tout de suite après la guerre, donnait à entendre aux auditeurs de la chaîne parisienne de grands films, ou des courts, ou des moyens-métrages, mais peu importe, de toute façon, de grands films. Une partie de campagne, donc. Les mêmes voix, de nouvelles voix, et le même bonheur à fêter la Sainte Pétronille. En route, mauvaise troupe dans le monde de Maupassant et de Jean Renoir. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 19 septembre 1946. L'écran sans images vous présente une partie de campagne. Un film de Jean Renoir, d'après la nouvelle de Guy de Maupassant. Musique de Cosma. Ce film sera présenté au Festival de Cannes. C'est une émission de Ned Rival, réalisée par Sadi Petit. Amis de l'écran sans images, bonsoir. Ici Ned Rival. Une partie de campagne que nous vous présentons ce soir est un court-métrage que Jean Renoir avait presque entièrement réalisé en 1937. L'équipe de techniciens qui l'entourait à cette époque est devenue célèbre. Je relève entre autres dans le générique le nom de Jacques Becker, le metteur en scène de Falbala, qui était alors assistant de Renoir. Claude Renoir, neveu du metteur en scène, était chef opérateur, et les photos sont signées Élie Lothard. Élie Lothard a réalisé ces derniers temps un documentaire de premier ordre, Aubervilliers. Jean Renoir n'a pu terminer une partie de campagne. La maladie, la réalisation de La Grande Illusion, puis la guerre et son départ pour l'Amérique l'en ont successivement empêché. Pendant l'occupation, les Allemands essayèrent de détruire le film, mais Henri Langlois le cacha à la Cinémathèque. Les extérieurs seuls avaient pu être tournés et deux sous-titres ont été ajoutés au film qui lui donne sa continuité. Ce montage a été réalisé par Marguerite Renoir sur les indications de Jean Renoir. L'absence de quelques scènes ne nuit en rien à la perfection de ce court-métrage qui est un véritable chef-d'œuvre. Jean Renoir a fidèlement traduit la cruelle ironie de Maupassant et aussi ses grâces désuètes. Par images furtives, par des glissements aussi souple que ceux des yoles sur la rivière, Jean Renoir chante l'eau et les chaudes après-midi d'été où l'orage menace. On s'étonne de ne point voir, roses et vertes à l'ombre des saules, les baigneuses que peignait son père. Mais sur la rivière, étourdie de soleil et de vin de Bordeaux, vogue la candide Henriette, fille de Monsieur Dufour, notable quincaillier de la rue des Martyrs. Henriette qui a tout le charme de Sylvia Bataille. Sa mère, sémillante et blonde personne, les grâces et les rires aigus de Jeanne Marquen. Mais Sylvia Bataille est près de moi et elle va vous dire elle-même quelques mots sur la réalisation de ce film. Les extérieurs du film ont été tournés aux environs de Marlotte, sur les bords du Loing. Ce fut pour toute l'équipe une réelle partie de campagne, car partis pour 15 jours, nous sommes restés 2 mois, le mauvais temps ne nous ayant pas permis de travailler au rythme normal. Jean Renoir avait choisi comme cadre pour son film cet endroit où il a passé une grande partie de sa jeunesse, car son père, Auguste Renoir, y peignait pendant les dernières années de sa vie. en costume d'époque 1880 pendant 2 mois, nous vivions à l'écart du monde moderne. Et nous avons été légèrement désemparés quand il a fallu nous y réadapter. Et voici maintenant une partie de campagne. Sylvia Bataille reprendra le rôle d'Henriette qu'elle a créé à l'écran. Charlotte Clasisse sera Madame Dufour, qui s'orne du délicat prénom de Pétronille. Hélène d'Artigue, la grand-mère, personne de grand âge, sèche, sourde et muette, comme un seul hibou. Raoul Marco sera Monsieur Dufour, quincaillier rue des Martyrs. Jean Grenelle, le jeune Anatole aux cheveux jaunes. Et Gérard Houry et Claude Mouroux seront Henri et Rodolphe, canotier des bords de Seine. Henri Presta, le patron du restaurant Poulain. Matelotes et fritures, rôle qu'interprétait Jean Renoir. Et Jean Topard sera le récitant, qui reprendra les paroles mêmes de Guy de Maupassant. On avait projeté depuis 5 mois d'aller déjeuner aux environs de Paris le jour de la fête de Madame Dufour, qui s'appelait Pétronille. Aussi, comme on avait attendu cette partie impatiemment, c'était enlevé de fort bonne heure ce matin-là. Mais tu vas t'ennuyer tout seul. Tu es prêt, Monsieur Dufour? Mon bouton de colle, mon bouton. Sur la crédence, il crève les yeux. Oh là là là là, vous allez oublier les parapluies. Vous ne risquez rien, la voiture est couverte. Et puis, fais un temps superbe, nous aurons un beau dimanche. Ah ben, c'est bien loin le jour de ma fête. Et hein, pour une fois qu'on se paye une partie de campagne. Ah, c'est vrai. Henriette, as-tu fini les créteaux? Absent pour toute la journée. Ah oui. Ah, c'est pas tous les jours qu'on peut en accrocher des écriteaux pareils. Oh, pas, alors. Voyez-vous, Bazin, dans la cacaillerie, ce qu'il faut, c'est de la persévérance et de la continuité. Ah, ça. Il faut être perpétuellement à son poste. Oui. Vous entendez, Anatole? À son poste. Eh ben, Anatole. Ah, j'entends, Monsieur Dufour, de la persévérance. Et de la perpétuité. Mais non, de la continuité, ah, Anatole. Bon, ah, oui. Dans la laiterie, c'est tout pareil. Le lait, y a pas, il n'ira pas à pied chez les clients. Ah si, quand c'est du fromage. Du lait qui a mal tourné, en quelque sorte. Farceur. Mais on bavarde. Les dames ne sont jamais prêtes à l'heure. Ah, vous voilà, enfin. Allez, Oust, allez, allez, en voiture. Allez, belle maman. Mais aidez-moi donc, Anatole, quoi. Voilà, monsieur. Ah, c'est égal, vous aurez chaud. Qu'est-ce que vous allez prendre doucement, sur la route? Doucement, oh, doucement, doucement. Moi, à votre place, j'aurais plutôt fêté la Sainte Pétronille avec un petit gueuleton dans l'arrière-boutique. Bien au frais, avec les amis. Oh, de l'eau, il y a toujours un peu de fraîcheur. Allez, dépêche-toi, Henriette, dépêche-toi, le soleil est déjà haut. Parce qu'elle est finie, cette pancarte. Voilà, papa, j'ai fini. Bon, allez, alors, en route, allez, mauvaise troupe. Allez, on ferme, hein. Fermé pour la journée. Mais on attend plus que toi, monsieur Dufour, voyons. Oh, dommage qu'on n'ait pas des cannes à pêche et une bonne partie de pêche. C'est ça qui est chouette. Eh ben, des cannes à pêche, on en trouvera là-bas et on rapportera une friture. Mais dépêche-toi, mon ami, commence à faire très chaud. Voyons, quand on roulera avec la vitesse, on aura de l'air au moins. Je crois que ça y est maintenant. Alors, en route! Allez, cocotif! Au revoir! Faites attention à Coco et oui, à la corde! Ne vous commentez pas, les chevaux, ça me connaît! Au revoir! Monsieur Dufour conduisait lui-même la voiture du laitier. La carriole à deux roues était fort propre. Elle avait un toit supporté par 4 montants de fer où s'attachaient des rideaux qu'on avait relevés pour voir le paysage. Déboutonne un peu ma robe, Henriette. Et Madame Dufour s'épanouissait dans une robe de soie cerise extraordinaire. Je ne peux pas, maman, ça bouge trop. Ben alors arrête un peu, Monsieur Dufour. Ah, oh, oh, oh là là, là, oh là. Voilà, maman. Mais c'est la robe sans bouton. Ah, ben, merci, fillette. Oh, vas-tu pour garder, mon ami. Oh, grise-moi de grand-père, monsieur. Bon, eh ben, yup, allez, honte, coco, yup, yup, yup, yup, yup. En arrivant au pont de Neuilly, Oh là, voici la campagne, enfin. Ah, c'est beau la nature. Et puis, c'est grand. Ah. Oh, pourvu qu'on trouve des cannes à pêche. Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de machin là-bas? Eh ben, ça doit être le duc de Marly. Ah, ah. Et là, à droite, la terrasse de Saint-Germain. Ah oui, et cette belle forêt verte dans le lointain. Ben, c'est le bois de Saint-Germain. Ah. Oh, comme nous sommes loin de la rue des Martyrs, hein. Il me semble que je n'y reviendrai jamais. Oui, ben, voir tout ça, ça m'attendrit. Ouais, ben, moi, je voudrais bien rapporter une friture. Allez, en route. Allez, allez, cocotte. Ah, je suis effondrée, moi. C'est caniculaire. Ah, ça, il fait très chaud, oh, ça. Le pauvre cheval doit être bien fatigué. Oh, Henriette, j'ai un mouchon dans l'œil. Oh, faut-il souffler dedans, madame? Non, merci, c'est envolé. Ah, ça donne soif, Anatole, le grand air. Ah, vous pouvez rien dire. De tel pour ouvrir l'appétit. Mais est-ce que vous croyez qu'ils auront des canapés? Me comptez sur moi, mon cher, nous rapporterons de la marée. Oh. De la marée. Oui. Des deux côtés de la route se développait une campagne interminablement nue, sale, puante. Comme c'est vert. On eût dit qu'une lèpre l'avait ravagée. Oui, c'est riant. Une lèpre qui rongeait jusqu'aux maisons. Ah, puis il y a de la culture. Mais de loin en loin poussaient dans le sol stérile de longues cheminées de fabriques, seule végétation. Ah, là, là, oh, oh là, oh là, là. Ah, les enfants, une auberge, restaurant poulain, matelote et friture. Oh, regardez, un pêcheur, il a une canne, un seau. Et il y en a un autre sur l'enseigne. Mais en zinc, celui-là. Eh ben, madame Dufour, ça va-t-il? Poulain, matelote et friture, cabinet de société, bosquet et belle enceinte. Enfin, tu te décideras-tu à la oui, fin? Oui, c'est bien, c'est bien. Et puis, il y a de la vue. Allez, venez ici, madame Dufour, que je vous aide à descendre. Oh, vous êtes galant, merci. Oh, monsieur Dufour. Allez, hop là. Allez, voulez-vous bien finir? Bien ah, sûr. C'est pas tous les jours qu'on va à la campagne. Ah bon. Allez, allez, Anatole. Allez, un coup de main, là, pour décharger belle-maman. Allez, on y va. Alors, on détela le cheval, on fut attaché à un arbre. Et la voiture tomba sur le nez, les deux brancards à terre. Et les dames étaient installées déjà sur les escarpolettes. Est-ce que vous avez des cannes à pêche? Non, monsieur, on n'a pas ça. Oh, mais on pêche donc pas ici? Si, monsieur, mais ces messieurs apportent toutes leurs affaires avec eux. Dites donc, monsieur Dufour, ils n'ont pas de cannes à pêche, il faut aller ailleurs. Non, reste ici. Il y a des balançoires et puis il fait trop chaud sur la route. Mais alors, comme tu veux, ma chérie. Excusez-moi une petite minute, messieurs, dames. Cyprien, viens me sauver. Le patron revint vers l'auberge servir deux clients. Ces deux jeunes gens, assis près de la fenêtre au volet mi-clos qui défendait de la chaleur, portaient le costume des canotiers. Pantalon de toile, maillots échancrés de coton blanc, toque mi-partie noire et rouge. Tenez, voilà votre omelette, monsieur Henri. Des clients qui viennent d'arriver? Oui, des Parisiens qui veulent déjeuner sur l'herbe. Sur l'herbe, naturellement des boutiquiers. Quand tu vas voir, mon bon, les hommes vont chanter au dessert, les femmes vont se balancer en piaillant, enfin, ils vont tout faire. Fameuse votre omelette. Et votre pêche de ce matin, monsieur Henri, je vous en fais une friture. Ah non, merci bien, le poisson d'ici s'en lava. Tenez, donnez donc ça aux Parisiens. Tu n'as pas l'air de les aimer. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les malheureux? Ils m'ont fait qu'ils doivent être laids et leur femme affreuse. Tiens, goûte-les. De la main qui me dévole. Attention, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout. Oh, regardons, Henri. La fille est délicieuse. Oh, Dieu m'en garde, voici d'ici une petite dinde bouffie. Toute l'année, elle est privée d'herbe. Elle est affamée de promenade champêtre. Alors aujourd'hui, elle satisfait enfin son amour bête pour la nature, qui rentre d'ailleurs tous les boutiquiers derrière leur comptoir. Mais regarde, la don imbécile, on est fier de la philosophie. Non, mais c'est vrai, ça. Henriette avait la peau très brune, les yeux très grands et les cheveux très noirs. Le patron étant revenu, on commanda le déjeuner. Une friture de Seine, un lapin sauté, de la salade et du dessert. Bien. Vous apporterez 2 litres à une bouteille de Bordeaux. Hein? Bien, monsieur. Mais... Grand-mère, moi je vais chercher un coin. Nous déjeunerons sur l'herbe. Oh, c'est ça. Regarde, maman, comme c'est joli. On ne voit que des arbres et de l'eau. Oh, oui, l'endroit est frais. Mais dis donc, tu es sûr qu'il n'y a pas de fourmis, hein? Venez voir, venez. Il y a des bateaux qui sont chouettes. Oh, des bateaux, des bateaux. Viens voir, maman! Oui, oui! Ah, ça oui, c'est chouette. Ce sont des yoles. Ah, ça me connaît. Ah, oui? Moi aussi, j'ai canoté dans mon jeune temps. Et avec ça dans la main, je me fichais pas mal de tout le monde. Tiens, à Joinville, j'ai rossé au cours plus d'un anglais. Oh! Qu'est-ce que c'est ce petit machin-là, papa? Ce petit machin-là? Eh bien, c'est pour retenir l'aviron. Ah. Ça s'appelle une dame. Une dame. Et c'est pour ça qu'on dit que les canotiers ne sortent jamais sans leur dame. Oh, moi, c'est bien simple. Avec un bateau comme ça, je suis prêt à parier que je ferai du 25 à l'heure sans me presser. Oh. Non, mais j'aimerais faire une promenade là-dedans. À table, monsieur, dame. À table. Sur l'herbe, plutôt. Ah, oui. J'ai une faim. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi, alors. Mais voilà qu'à la meilleure place, quand son esprit, Madame Dufour, avait choisi pour s'installer, les deux jeunes gens terminaient leur repas. Ils ont pris notre place. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont bien libres. Nous n'avons qu'à nous installer ailleurs. Ou ailleurs, hein? ailleurs, c'est facile à dire, mais où ça? Eh bien là, près d'embarcadère. Avec les gens de ton emplacement, dans un quart d'heure, le soleil aura tourné et ce serait une vraie grande victoire. C'est dommage. Ça nous gâte la journée. Nous envoyons la mer, ils ont regardé. Attention, c'est maintenant que nous donnons notre place et ça nous fera plus comme ici. Je crois que nous avons pris le seul endroit où le soleil ne tombe pas. Si ces dames veulent accepter la place... Oh, vous êtes trop aimables. Oh, non, mais vraiment, nous ne voudrions pas vous en priver. Mais je vous en prie. Ah non, mais vous savez, si j'accepte, croyez bien. Enfin, puisque vous insistez... Oh, merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, hein. Merci messieurs. Leur bras nu qui montrait sans cesse gênait un peu la jeune fille. Et un peu de vin rouge, pétronille. Ils sollicités par une curiosité féminine qui était peut-être un désir, les regardaient à tout moment. Le papa n'est pas très distingué, mais sa fille est ravissante. Le jeune homme aux cheveux jaunes mangeait silencieusement comme un ogre. Allons, allons, Anatole, ne mangez pas si vite, mon garçon. Vous allez tacher vos vêtements. Il était très aimable à cause de la place que les canotiers lui avaient laissée. Un bien beau temps, messieurs. Oh oui, madame. Venez-vous souvent à la campagne? Une ou deux fois par an pour prendre l'air. Et vous, monsieur? Les jeunes gens se levaient. J'y viens coucher tous les soirs. Oh, ça doit être bien agréable. Oh oui, certainement, madame. Quel que soit le temps, nous faisons notre heure sur l'eau. Vous n'avez pas froid à avec vos petits maillots. Oh, c'est une affaire d'habitude, hein. Ça nous arrive très souvent de coucher dehors, dans quelques coins perdus. Alors, nous abordons dans une île inhabitée, nous tirons nos yoles sur la rive, et je vous jure que personne ne vient nous déranger. Oui, et l'hiver, c'est encore plus agréable que l'été. Oh. Rien de plus beau qu'une course sur le fleuve à travers le brouillard. Oh. On se croirait transporté dans un monde de féerie. Et puis quand on est bien en sueur, hop, un plongeon et un bon bain. Rien de pareil pour la santé. Ah, ça, c'est la vie. Bah, je vais chercher des lignes. Vous ne voudriez pas faire un petit tour avec nous? Mais nous pourrions faire le tour de l'île. Oh oui, dis maman, tu veux bien. Monsieur Dufour, monsieur Dufour, tu veux? Qu'est-ce que je veux? Que nous fassions un tour en bateau avec ces messieurs. En bateau? Oui. Oh, yol. Oh oui, papa, tu veux bien? Oui. Sans comprendre. Alors Rodolphe s'approcha de lignes de pêcheurs à la main. Tenez, voici des lignes. Et si vous aimez la friture... Oh, une canne à pêche. Oh, ça, par exemple, c'est une chance. Je te l'avais bien dit qu'on ramènera une friture. Oh. Monsieur, je ne sais vraiment... Je me suis piqué. Est-ce qu'il y a du goujon? Mais je crois bien. Tenez, vous n'avez qu'à aller là-bas, derrière les saules. Ah. C'est un coin excellent. Vous prendrez tout ce que vous voudrez. Ah. Monsieur Dufour s'installa à l'ombre sous le pont, les pieds ballants au-dessus du fleuve, à côté du jeune homme aux cheveux jaunes qui s'endormit auprès de lui. Les canotiers gagnèrent la rive. Surtout, mademoiselle, n'oubliez pas votre ombre. Mais sur l'eau, il doit faire très beau. Ne croyez pas cela, cette heure-ci, avec la réverbération. Mais nous traverserons et près de l'autre rive, nous aurons l'ombre des grands peupliers. Vous permettez, mesdames, un instant pour mettre les yoles à l'eau. Mais naturellement, messieurs, naturellement. Comment va-t-on s'arranger? J'ai compris. Tu vois, je suis bonzille. Je prends la mer. Oh, merci, merci. Rodolphe, qui avait pris la mer à son bord, s'écria... Ouh, au petit bois de l'île des Anglais. L'autre yole glissa plus doucement encore. Le rameur regardait tellement sa compagne qu'il ne pensait plus à autre chose. La jeune fille se laissait aller à la douceur d'être sur l'eau. Leur impuissance à parler augmentait leur émotion. Alors, faisant un effort... Mademoiselle... Monsieur... Je voudrais connaître votre nom. Henriette. Tiens, moi je m'appelle Henri. Henriette la regarde avec émotion comme si la révélation de cette communauté de noms l'avait bouleversée. De l'autre yole, Rodolphe cria. Oh, vous rejoindrons dans le bois. Nous allons jusqu'à Robinson parce que madame a soif. Puis il se coucha sur les avirons et s'éloigna si rapidement qu'on cessa bientôt de le voir. La yole d'Henriette pénètre sous les branches qui surplombent l'eau. Écoutez l'oiseau. C'est un rossignol. Quand il chante le jour, c'est qu'il est sonné. Un rossignol? Ne faisons pas peur. Nous pourrions descendre dans le bois et nous asseoir. Henri descendit sur la rive et aida Henriette à sortir du bateau. Ah, voilà. Courbez-vous. Ils pénétrèrent sous les branches. Asseyons-nous là. Comme c'est beau. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Bien souvent ici. J'ai surnommé ce petit coin mon cabinet particulier. Ils ne parlaient plus de peur de faire fuir l'oiseau. Ils étaient assis l'un près de l'autre. Et lentement, le bras d'Henri fit le tour de la taille d'Henriette et l'enserra d'une pression douce. Elle écoutait l'oiseau perdu dans une extase. À travers les buissons, Henri croyait apercevoir Rodolphe qui lutinait madame Dufour. Alors brusquement, Henri baise Henriette sur les lèvres. Non, laissez-moi. Affolé par un désir formidable, elle lui rendit son baiser en l'étreignant sur sa poitrine et toute sa résistance tomba comme écrasée par un poids trop lourd. Ils étaient bien pâles tous les deux en quittant la rue des verdures. Un tumulte se fit sous un buisson. Madame Dufour. Henri crut voir une jupe blanche qu'on rabattait vite sur un gros mollet. Et l'énorme dame apparut. Rentrons vite, Henriette. Le temps s'est rafraîchi. Et l'on revint vers l'auberge. Deux mois après, comme il passait rue des Martyrs, Henri lut sur une porte Dufour quincaillier. Il entra. Vous ? Mais oui, vous allez bien, Madame Dufour ? Oh, très bien, merci, et vous ? Et Mademoiselle Henriette, comment va-t-elle ? Très bien, merci. Elle est mariée. Ah. Oui. Et avec qui ? Mais avec le jeune homme qui nous accompagnait. Vous savez bien celui qui prendra la suite de notre commerce. Ah, parfaitement. Et votre ami ? Il va bien. Faites-lui mes compliments, n'est-ce pas ? Et quand il passera, dites-lui de venir nous voir. Ça me fera plaisir. Dites-lui que... Je n'y manquerai pas, madame. Adieu. Ah non ! À bientôt ! Dimanche qui faisait très chaud, tous les détails de cette aventure que Henri n'avait jamais oubliée lui revinrent subitement si nets et si désirables qu'il retourna tout seul à la chambre dans le bois. Il fut stupéfait en entrant. Henriette était là, assise sur l'herbe. À côté d'elle, son mari dormait comme une brute. Elle s'approcha d'Henri. J'aime beaucoup cet endroit. Bien souvent la poser. Il y a mes meilleurs souvenirs. Moi, j'y pense tous les soirs. Son mari s'éveilla. Allons, ma bonne. Je crois qu'il est temps de rentrer. Henriette se retourna et s'éloigna. L'écran sans images vient de vous présenter Une partie de campagne, un film de Jean Renoir, d'après une nouvelle de Guy de Maupassant, musique de Cosma. Vous avez entendu Sylvia Bataille dans le rôle d'Henriette, Charlotte Clasys dans celui de Madame Dufour, Hélène d'Artigue, la grand-mère, Raoul Marcot, Monsieur Dufour, Gérard Houry, Henri, Charles Mourou, Rodolphe, Henri Presta, le patron, Jean Grenelle, Anatole, Jean Topard, le récitant. C'était une émission de Ned Rival, réalisée par Sadie Petit. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 19 septembre 1946. Thank you.